Intelligence naturaliste écologiste. L'intelligence naturaliste qui permet de classer les objets et de les différencier en catégories. Très sollicité chez les zoologistes, botanistes, archéologues. Tel Darwin. C'est l'intelligence qui permet d'être sensible à ce qui est vivant ou de comprendre l'environnement dans lequel l'homme évolue. C'est la capacité d'apprécier, de reconnaître et de classer la faune, la flore et le monde minéral. Cette capacité s'applique aussi, par extension, à l'univers culturel qu'il permet d'interpréter. Ensuite,